Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N. E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 2e. Voyage aux Indes occidentales, 1599 à 1601. Départ de Champlain pour l'Amérique espagnole. Explore les îles du Golfe du Mexique, à Guadeloupe, Porto Rico, Saint-Domingue. Continue sa course jusqu'à la Nouvelle-Espagne. Visite Saint-Jean-du-Loa, Veracruz. Se rend jusqu'à Mexico. Flore et faune du Mexique. Indien de ce pays. Isthme de Panama. À qui attribuer l'idée première du canal de Panama? Champlain à Portobello. Rebrousse chemin et va à La Havane. 4 mois à Cuba. Retourne en Espagne. Son voyage dure 2 ans et 2 mois. La première terre que Don Francisco et Colomb aperçut 6 jours après son départ d'Espagne fut une des îles Canaries, découverte en 1402 par Jean de Bettencourt, gentilhomme normand, qui en prit le titre de roi. Passant ensuite par le golfe de Damas, la flotte continua sa course vers le Ponant. Des vents contraires firent que la traversée fut plus longue qu'elle aurait dû. Ce ne fut qu'au bout de 2 mois et 6 jours, depuis que les vaisseaux avaient levé l'ancre, que l'on entrevit l'île de la Désirade, la première qui se présente en arrivant au groupe des Antilles. Champlain remarque qu'elle avait une bonne rade à la bande de l'Est et lui donne 7 lieues de tour. Cette île était alors inhabitée et toute couverte de bois. De la Désirade, des vaisseaux vers Mouyanacou, l'un des havres les plus beaux et les plus sûrs de l'île de la Guadeloupe. Elle était peuplée de sauvages car, à l'arrivée des Français, descendus à terre pour s'approvisionner d'eau fraîche, plus de 300 Indiens, qui les avaient aperçus, prirent la fuite en se dirigeant vers les montagnes, de sorte qu'il fut impossible d'en attraper un seul. Ici, l'on fit une ample moisson de fruits de plaisant goût. Cette île est située, d'après Champlain, au 15e degré et peut mesurer 20 lieues de longueur sur 12 de largeur. Il l'appelle Guadeloupe. Après avoir consacré 48 heures au ravitaillement des navires, Colomb donna l'ordre du départ dans la direction du nord-ouest vers Porto Rico. On aperçut bientôt les Virgines, au nombre de plus de 800, toutes désertes et inhabitées. L'île Marguerite s'offrit ensuite à la vue. C'est ici que se faisait la pêche des perles par les esclaves noirs. Tous les jours, plus de 300 canots quittaient la rade de la ville, appelée aussi la Marguerite, pour aller retirer du fond des eaux les ostrums ou huîtres renfermant la perle précieuse. L'Espagne entretenait les officiers chargés de recevoir les paniers que chaque nègre rapportait avec soi du fond de la mer. Enfin, la flottille vint mouiller devant la ville de San Juan de Porto Rico. Tout y était dans la plus profonde désolation, et la ville, et le château ou forteresse. Les Anglais, qui s'en étaient rendus maîtres quelques mois auparavant, y avaient laissé des marques de leur passage. La ville avait été pillée, en grande partie incendiée. Les marchands avaient été faits prisonniers pour la plupart, et ceux qui réussirent à s'évader s'étaient réfugiés dans les montagnes d'où ils n'osaient plus sortir. Ils auraient pu facilement retourner à leur poste, car les Anglais n'y avaient séjourné que pendant 1 mois. Quand la flotte espagnole, commandée par Don Colomb, y arriva en avril 1599, l'île avait été évacuée par les pirates anglais depuis 15 jours seulement. Ils avaient chargé leurs 12 navires de sucre, cuir, gingembre, or, argent, molasse, conserve de gingembre, caniciste ou cassia. Un Indien, qui parlait assez bon espagnol, raconta au général comment cette prise de Porto Rico avait eu lieu. Personne ne connaissait l'existence, à une demi-lieue du château, d'un passage ou descente par où les Anglais s'étaient introduits dans l'île. Ayant mouillé leur vaisseau à proximité de ce passage, ils débarquèrent nuitamment au nombre de 600, bien armés, et au point du jour, 400 d'entre eux se ruèrent dans la ville qui n'offrit aucune résistance. Le gouverneur se rendit, à condition qu'il aurait la vie sauve. Après le départ des Anglais, les Indiens avaient travaillé à relever leur forteresse. Don Colomb enregistra soigneusement tous les détails de cette narration du sauvage et il envoya aussitôt à la recherche de ceux qui étaient demeurés cachés dans les montagnes. L'île de Porto Rico contient, au témoignage de Champlain, environ 70 lieues de long et 40 de large. Il remarque qu'elle était couverte de beaux arbres, entre autres de cèdres, palmes, sapins, palmistes, et d'un autre qu'il appelle soubrade, dont la manière de croître est assez singulière. Quand ses branches sont parvenues à une certaine hauteur, leurs extrémités s'inclinent jusqu'au sol où elles prennent racine. Les nouvelles branches qui en proviennent retombent à leur tour pour prendre aussi racine, et ainsi de suite. J'ai vu tel de ces arbres, dit Champlain, qui tenait plus d'une lieue et quart. Il n'apporte aucun fruit, ayant la feuille semblable à celle du laurier, un peu plus tendre. Les fruits qui attirèrent davantage son attention appartiennent au climat tropical. Ce sont les plantes, les oranges, des citrons de grosseur prodigieuse, des citrouilles de terre, des agarubases, des papites, le corazon, gros comme le poing, ayant le goût de crème sucrée. Champlain mentionne aussi une racine appelée cassave que les Indiens mangeaient en guise de pain, car ils ne cultivaient pas de blé. Parmi les animaux, Champlain remarque le caméléon, dont l'espèce était très répandue. Il a, dit-il, la tête assez pointue, le corps assez long pour sa grosseur, à savoir un pied et demi. Il n'a que deux jambes qui sont devant, la queue fort pointue, mêlée de couleur grise jaunâtre. La flotte espagnole passa un mois à Porto Rico. Après ce laps de temps, Don Colomb la divisa en trois bandes, réservant pour lui-même quatre galions. Trois furent envoyés à Portobello et les autres, au nombre desquels le Saint-Julien, prirent la direction de la Nouvelle-Espagne. Chaque galion avait sa patache. Pendant que le général cinglait vers la terre ferme, Champlain, de son côté, prenait la route du Mexique. La première île qui s'offrit sur son passage fut Saint-Domingue, et il alla mouiller à Porto Plate, excellent port de mer. Champlain y prit terre, afin de s'assurer qu'il n'y venait pas de vaisseaux étrangers pour faire le trafic, malgré la défense du roi d'Espagne. La liberté était promise aux nègres qui, après avoir découvert un navire contrebandier, iraient en donner avis au général d'armée ou au gouverneur. Champlain parcourut environ une lieue dans les terres avant qu'il pût apercevoir un nègre. Celui-ci l'informa que deux vaisseaux français étaient ancrés dans le port de Mancenille. L'amiral se hâta de courir à la poursuite de ces étrangers, mais à Mancenille, on lui apprit qu'ils étaient déjà rendus au port aux Mosquitos, près de la Tortue, petite île située à l'entrée du port. Ce havre, assez spacieux, était ainsi appelé à cause de la quantité énorme de chaisons, ou cousins, dont les piqûres étaient redoutables. L'information du nègre était véridique, car à l'arrivée des galions espagnols, les deux navires français s'étaient hâtés de prendre la mer pour s'enfuir. Mais, se voyant serré de trop près, l'équipage de l'un d'eux se sauva à terre dans des chaloupes et l'autre alla se briser sur le rivage. Tous les marins parvinrent ainsi à s'échapper, à l'exception toutefois d'un malade infirme qui déclara que ses navires étaient de Dieppe et que 13 autres, tant anglais, français que flamands, vaisseaux de guerre et marchands, s'étaient réfugiés dans le port de Saint-Nicolas. L'amiral espagnol résolut de les poursuivre jusqu'au bout. Les ayant aperçus le lendemain à l'entrée de cette baie, il se concerta longuement avec les capitaines et les pilotes de l'escadre pour décider du genre d'attaque. Impossible de leur donner la chasse, car le vent contraire les avait jusque-là empêchés de pénétrer dans le havre de refuge. On résolut donc de les attendre pour les bombarder au moment où ils essaieraient de gagner le large. L'amiral fit attacher les galions les uns par derrière les autres, de manière à présenter à l'ennemi le plus de front possible et donner aux canons une portée plus facile. Tout ce déploiement militaire n'eut pas le résultat attendu, car lorsque les vaisseaux étrangers arrivèrent à eux, les voiles gonflées et leurs canonniers prêts à mettre le feu aux amorces, Le courage de nos Espagnols faiblit et ils s'enfuirent à leur tour. Pour masquer leur lâcheté, ils firent semblant de donner la chasse aux ennemis qui les laissèrent bientôt loin derrière eux. Il est bien certain, dit Champlain, que si l'amiral eût voulu, il les eût pris, ayant de meilleurs vaisseaux, plus d'hommes et de munitions de guerre. Et les vaisseaux étrangers ne furent préservés que par la faute de courage des Espagnols. Champlain rapporte un fait bien propre à nous donner une triste opinion de la valeur guerrière de ses compagnons de voyage. Durant la chasse à l'escadre ennemie, une petite patache se trouva tout à coup mêlée parmi les vaisseaux. C'était un embarras, en même temps qu'un sujet d'anxiété pour ses bravaches. Aux sommations qui furent faites à l'équipage d'avoir abaissé leur voile, aucune réponse ne fut donnée. L'amiral mit deux patachs à sa poursuite et au bout de 2 heures, elles purent l'aborder. N'apercevant personne sur le Tillac, le capitaine de la barque espagnole crut avoir affaire au diable et il enjoignit à ses soldats de sauter sur ce petit vaisseau plein de mystères. Ceux-ci étaient tellement effrayés qu'ils n'obéirent à leur chef que sous le coup de menaces. Ce n'était pourtant qu'une épave qui ne contenait aucun être humain. L'île de Saint-Domingue ne renfermait alors qu'une seule ville appelée l'Espagnol, aujourd'hui Saint-Domingue, habitée ordinairement par des Espagnols et des Indiens. Ces derniers avaient des mœurs douces et étaient les amis des Français avec qui ils faisaient le trafic en cachette des Espagnols. Les seules mines étaient de cuivre. Après avoir quitté Saint-Domingue, les galions longèrent la rive méridionale de l'île de Cuba, reconnurent les Caïmans et jetèrent l'ancre dans un port de l'une d'elles. Champlain en parcourut 2 en tous sens et il captura des lapins, quelques oiseaux et un lézard gros comme la cuisse, de couleur grise et feuilles mortes. Ils levèrent l'ancre le même jour et vinrent pénétrer dans le canal de la sonde, endroit de navigation dangereuse où il faut toujours avoir la sonde en la main. Une patache, chargée de soldats et de marins de l'escadre, y périt. Cependant, tous ceux qu'elle portait purent se sauver, les uns à la nage sur des planches, les autres sur des avirons, et franchirent ainsi les 2 lieues qui les séparaient des vaisseaux. 8 jours plus tard, la flotte atteignit Saint-Jean-de-Luz, le premier port de la Nouvelle-Espagne, après avoir parcouru 400 lieues depuis Porto Rico. Cette place forte était mieux connue sous le nom de Saint-Jean-du-Lois, bien que Champlain lui en attribue un autre. 200 soldats occupaient la garnison. La forteresse ou château comprenait toute l'île, qui est de 600 pas de long et de 250 pas de large. Le havre n'était ni sûr, ni commode. À 2000 pas du château, sur la terre ferme, se dressait une petite ville marchande nommée Bouteron, et à 4 lieues de cette dernière, Champlain aperçut une autre ville, bien située, sur les bords d'une rivière, à 2 lieues de la mer. Veracruz, ou Vraie-Croix, tel était son nom. Après 15 jours de résidence à Saint-Jean-du-Lois, Champlain, se sentant poussé à faire des explorations à l'intérieur du pays, demanda et obtint congé de son amiral pour se rendre jusqu'à Mexico, distant d'environ 100 lieues. « Il ne se peut voir, dit-il dans son enthousiasme, ni désirer un plus beau pays que ce pays de la Nouvelle-Espagne, qui contient 300 lieues de long et 200 de large, grandes campagnes unies à perte de vue, chargées d'infinis troupeaux de bestiales, qui ont les pâtures toujours fraîches en toute saison. Tout ce pays est décoré de fort beaux fleuves et rivières, qui traverse presque tout le royaume. La terre y est fort fertile, rapportant le blé 2 fois en l'an et en telle quantité que l'on saurait désirer, et en quelque saison que ce soit, il se trouve toujours du fruit nouveau, très bon dans les arbres, car quand un fruit est à maturité, les autres viennent et se succèdent ainsi les uns aux autres, ils ne sont jamais les arbres vides de fruits et toujours verts. Mais, ajoute-t-il, tous les contentements que j'avais eus à la vue des choses si agréables n'étaient que peu de choses au regard de celui que je reçus lorsque je vis cette belle ville de Mexico. Pendant 1 mois que notre voyageur séjourna dans ce pays, où la nature étale avec profusion ses richesses, il consacra presque tout son temps à enrichir sa mémoire d'une grande variété de détails sur la faune et la flore des tropiques. Il semble avoir tout vu, quand il donne la description complète des plantes et des animaux. Mexico renfermait alors 12 à 15 000 Espagnols, 6 fois autant d'Indiens chrétiens et une quantité de nègres vivant dans l'esclavage. Un grand nombre de ces derniers étaient employés aux travaux des mines d'argent, dont le roi d'Espagne tirait un revenu annuel très considérable. Ces mines gisaient à 2 000 de Mexico. La ville était entourée d'eau, à l'exception d'une petite langue de terre de 300 pas de long. 4 grandes rivières venaient se décharger dans le lac. C'étaient les rivières de terre ferme, de chile, de cailloux et de Mexique, toutes poissonneuses et bordées de terres arables et fertiles. Les principales productions indigènes que Champlain décrit sont la cochenille, dont le commerce appartenait au seul roi d'Espagne, le canimé, qui laisse échapper un baume analogue à la gomme de sapin, valant 2 écus l'once, le cacou, ou cacao, dont le fruit servait de monnaie aux Indiens, le goyave, la coyote, l'algarobe, le carreau, le sérol, le palmiste, les coques ou cocos, la plante, les melons, les patates, la noix d'Inde, les concombres et les pommes. Les animaux qui ont le plus attiré l'attention de Champlain et dont il a fait des dessins assez exacts sont les serpents à sonnette, le lézard, les dragons, les caïmans, les tortues, les tigres, la civette. Il dit avoir vu un petit animal gros comme des barbeaux qui vole de nuit et fait une telle clarté en l'air que l'on dirait que ce sont autant de petites chandelles. Si l'on avait, dit-il, 3 ou 4 de ces petits animaux, l'on pourrait aussi bien lire de nuit qu'avec une bougie. Champlain fait une longue narration de la nature, des mœurs et des croyances des Indiens du Mexique. Ceux qui n'étaient pas soumis à l'Espagne adoraient la lune. Dans leur cérémonie, qui commence par un grand festin, accompagné de chansons et de danses, ils se jettent le visage contre terre et tous ensemble invoquent leur dieu en disant « Ô puissante et claire lune, fais que nous puissions vaincre nos ennemis et que les puissions manger, à celle fin que nous tombions entre leurs mains et que mourant nous puissions aller avec nos parents nous réjouir. » Après avoir fait cette courte prière, ils se reprenaient à danser, à chanter pendant des heures entières, entremêlant leurs cérémonies grotesques d'invocation répétées à leur divinité. Les Indiens soumis à la couronne espagnole étaient tenus, sous peine de punition corporelle, d'assister à des offices religieux que les Espagnols faisaient célébrer expressément pour eux. Cette religion de contrainte ne fit jamais de fervent prosélyte. Il y avait des Indiens vagabonds vivant dans des espèces de caches avec toute leur famille et parcourant ainsi le pays. D'autres, devenus la propriété des seigneurs ou marchands, étaient sédentaires et se livraient à la culture du sol. Champlain rapporte d'autres détails sur ce pays entièrement à la merci des Espagnols et qu'il visita durant un mois entier. Il se mit ensuite en route pour Saint-Jacques-du-Loa, où il s'embarqua sur une patache pour Portobello, à 400 ou 500 lieues de distance. Il lui fallut 3 semaines pour faire ce long trajet. Sa surprise fut grande en n'y trouvant qu'une terre mauvaise ou malsaine. La pluie était presque constante et si elle cessait pour une heure, une chaleur torride venait contaminer l'air au point que la plupart des soldats et des marins nouvellement arrivés y contractaient presque toujours des maladies mortelles. Le port était bien gardé. 2 forteresses avec 300 hommes en garnison en gardaient alors l'entrée. Le roi d'Espagne l'avait ainsi fortifié parce qu'il considérait ce poste important à raison de sa proximité avec le Pérou. De Portobello, Champlain dut se rendre à Panama en traversant l'isthme qui sépare ces 2 endroits, puisqu'il nous apprend que la rade est bonne et que Panama était une ville fort marchande. Puis, il ajoute, « L'on peut juger que si ces 4 lieues de terre étaient coupées, l'on pourrait venir de la mer du sud en celle de Dessa, et par ainsi, l'on raccourcirait le chemin de plus de 1500 lieues. Et depuis Panama jusqu'au détroit de Magellan, ce serait une île, et de Panama jusqu'aux terres neuves, une autre île, de sorte que toute l'Amérique serait en 2 îles. » Ce n'est donc pas à tort que les écrivains ont attribué à Champlain l'honneur d'avoir été l'un des premiers, a lancé l'idée du percement de l'isthme de Panama, idée dont la mise à exécution est à la veille de se réaliser grâce à l'énergie et à l'esprit d'entreprise du grand français Ferdinand de Lesseps. L'Espagne avait besoin de cette époque, et ce besoin ne fit que s'augmenter avec le temps, d'un bon service de transport dans l'isthme. Les trésors du Pérou s'expédiaient en Europe par la voie de Panama et se rendaient au travers de l'isthme de Panama à Portobello, d'où les galions les emportaient. Cependant, entre ces deux ports de mer, il n'y eut jamais qu'une détestable route. Quelquefois, on envoyait des marchandises d'Europe à Panama en les faisant arriver à Chagres, d'où elles remontaient en bateau jusqu'à Cruz. De Cruz à Panama, elles allaient à dos de mulets, sans qu'il y eût seulement un cantonnier pour veiller au chemin. C'était par là, pourtant, que s'acheminaient les voyageurs se rendant au Pérou ou au Chili, à la Grande-Grenade, au Venezuela ou aux autres possessions espagnoles du littoral du Pacifique. Les relations les moins irrégulières qu'il y eut entre les deux océans étaient du port d'Acapulco à la Veracruz par Mexico. Si l'Espagne eut mieux entendu l'art de communication dans ces domaines du Nouveau Monde, elle eût tiré des trésors immenses. Agir de la sorte, écrit M. Chevalier, pour les communications en général et pour les rapports entre les deux océans qui séparent l'Amérique en particulier, c'était méconnaître ses intérêts, froisser ceux de la civilisation et légitimer sa propre déchéance. Car, si dans les affaires privées, la propriété implique le droit d'abuser ou de ne pas user, il n'en est pas de même dans celle de la civilisation. Ici subsiste, de droit divin, une loi de confiscation contre les États qui ne savent pas tirer parti du talent que le maître leur a confié ou qui s'en servent contrairement à quelques-uns des penchants les plus invincibles de la civilisation, comme est celui du rapprochement des continents et des races. Ce droit extrême est écrit trop souvent en lettres de sang et de feu à toutes les pages de l'histoire pour qu'il soit possible de le révoquer en doute. Mais l'Espagne avait bien dégénéré de sa grandeur depuis le jour où Cortés, au siège de Mexico, lançait sur les lacs 16 000 embarcations alors que rien n'arrêtait ses soldats, ni les fleuves, ni les solitudes, ni les montagnes. Cependant, les conseils de la science ne lui avaient pas fait défaut. En 1551, Lopez de Gomara, auteur d'une histoire des Indes faite, dit M. de Humboldt, avec autant de soin que d'érudition, proposait la réunion des deux océans par des canaux en trois points, Chagres, Nicaragua et Tehuantepec. L'idée resta à l'état fantastique et c'est à la France que revint la gloire de l'avoir reprise pour la mener à bonne fin. Champlain passa un mois à Portobello, puis il reprit la route de Saint-Jean-du-Loa. Ce devait être vers la fin de l'année 1599. Un nouveau siècle s'ouvrait et avec lui, une ère glorieuse pour le nom français en Amérique. Jusqu'alors, les Espagnols avaient été les seuls souverains de ces contrées, abondantes en richesses de toute nature. Depuis les découvertes de Christophe Colomb, dont ils s'attribuaient le mérite, ils avaient sillonné en tous sens le golfe mexicain, exploré les Antilles et fouillé tous les sols. Mais, suivant l'expression de François Ier, comme Adam dans son testament ne leur avait pas légué l'Amérique pour en être les uniques maîtres, nous ne devons pas être surpris d'y constater la présence des Anglais et des Français. Plusieurs années encore s'écouleront avant que d'Esnambuc et de Poissy viennent arborer sur les promontoires de la Martinique et de Saint-Christophe le drapeau de la France. Avant qu'arrive cette heure, prévue peut-être par Champlain, dès l'année 1600, celui-ci aura déjà jeté les fondations de Québec sur les hauteurs de l'antique stade à Coné, que Jacques Cartier avait reconnu 65 ans auparavant. Mais poursuivons notre récit. Champlain séjourna deux semaines à Saint-Jean-du-Loa avant de mettre à la voile pour la Havane, lieu de rendez-vous fixé par Don Francisco et Colomb. Un ouragan terrible vint s'abattre sur le vaisseau. Le pilote était dans un embarras si grand que, sans la rencontre d'une patache qui lui indiquait la route, c'en était fait deux. L'on finit cependant par se rendre heureusement à la Havane, où Colomb était arrivé le premier. 18 jours après, Champlain profita du départ d'un vaisseau qui s'en allait à Carthagène pour entreprendre ce voyage. Cette ville est située sur la terre ferme, à peu de distance au nord-est du golfe de Darien. Le roi d'Espagne y entretenait deux galères pour sa défense. Champlain séjourna un mois et demi, pendant lequel il prit des notes sur le pays et leva une carte de la ville. Puis, il s'en retourna à La Havane, où le général lui fit un très bon accueil pour avoir vu, par son commandement, les lieux où j'avais été. Champlain passa 4 mois sur l'île de Cuba et il recueillit une foule de renseignements sur les ressources de cette île importante. Le port de La Havane, dit-il, est un lieu des plus beaux que j'ai vu en toutes les Indes. Au-dedans du dit port, il y a une baie qui contient en rondeur plus de 6 lieues. L'île est fort montagneuse. Il n'y a aucune mine d'or ou d'argent, mais plusieurs mines de métal dont ils font des pièces d'artillerie. Il ne croit ni blé ni vin. Celui qu'il mange vient de la Nouvelle-Espagne. Il y a quantité de bestiales, comme bœufs, vaches et pourceaux, qui est la meilleure viande de toutes les autres en ce pays-là. En toutes ces Indes, il tient une grande quantité de bœufs, plus pour en avoir les cuirs que pour les chairs. Pour les prendre, ils ont des nègres qui courent à cheval après ces bœufs, avec des hastes, lances ou piques, où il y a un croissant au bout fort tranchant, coupe les jarrets des bœufs qui sont aussitôt écorchés et la chair sitôt consommée, que 24 heures après, l'on y reconnaît, étant dévoré de grands nombres de chiens sauvages et autres animaux de proie. L'automne était arrivé, et en même temps, s'assemblait à La Havane toute la flotte des Indes pour retourner en Espagne. Passant par le canal de Bahama, entre La Havane et la Floride, sur un parcours de 80 lieues, Champlain fait la remarque que l'on prenait toujours cette route pour retourner des Indes. Il dit avoir reconnu la Bermude, île montagneuse, qu'il ne fait pas bon d'approcher, et il pleut presque toujours et tonne si souvent qu'il semble que le ciel et la terre doivent s'unir. Parlant de la Floride, il croit que c'est une des meilleures terres que l'on puisse désirer. Si elle était cultivée, elle serait très fertile. Mais le roi d'Espagne n'en faisait aucun cas parce qu'il n'y avait pas de mines précieuses. Beaucoup de sauvages y demeuraient, mais toujours en hostilité avec les Espagnols qui s'y étaient fortifiés. Après avoir subi une tempête qui dispersa la flotte pendant plus de 6 mois, on aperçut les îles Açores. Une fois ces îles reconnues, l'on distingua bientôt à travers les vapeurs océaniques le cap Saint-Vincent. 2 vaisseaux anglais, armés en guerre contre l'Espagne, qui voguaient dans ces parages, furent capturés et amenés jusqu'à Séville, terme du voyage. Au dire de Champlain, son absence avait duré 2 ans et 2 mois. C'est donc au commencement de mars 1601 qu'il faut placer son retour des Indes occidentales et de la Nouvelle-Espagne. Ce voyage lui fut grandement utile. Que d'expériences et de connaissances acquises et dans la navigation et dans la géographie d'un pays qu'on ne peut bien connaître sans l'avoir vu. Le récit intéressant qu'il en a laissé dénote, chez son auteur, beaucoup de science sur l'histoire naturelle et des notions assez exactes en cosmographie. Les éditions de l'avenir vous ont présenté le chapitre 2 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial Non-Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.